Salut Charline. Oh bah moi, une semaine de repos, c'est presque trop. Oh qu'est-ce que t'as fait, Charline? Moi, je suis allée au soleil, dans un bel hôtel, je sais. Et toi, Guillaume? Moi, j'étais chez mes parents, en Bourgogne, j'ai fait des marchés. Bah, t'as emmerdé les gens, quoi. Bah oui, c'est vrai, j'aurais posé des questions. Quel sujet? Bah, la provenance des produits, leur qualité, le gabage des oies. Voilà, mais t'as pas pris de vacances, en fait. Si, si, parce que je les ai pas enregistrés. T'as fait juste pour ton plaisir, quoi. C'est ça, pour le plaisir. Et toi, Alex? Oh, moi, je suis resté chez moi. Moi, j'ai dormi, j'ai lu la presse. Il y avait des choses intéressantes. Ah oui, oui, en Australie, il y a une dame qui a confondu son coussin avec un chihuahua et elle l'a mis dans la machine à laver. C'est ça que tu appelles l'actu, toi. Ah ouais, ouais. Alors au Michigan, si, y a un type ivre. Non, bah, en gros, t'as lu des brèves toute la semaine, quoi. Ouais. Mais donc t'as pas décroché non plus. Ah, mais si, mais je les ai dites à personne, les brèves. Pour mais moi. Et pourquoi vous prenez des vacances? Ah non, bah, je suis désolée, j'en avais vraiment besoin. Pardon. Okay, pardon. Et puis ça n'a pas servi à rien. Ah, bon, je veux dire, dans mon hôtel, il y a eu une grève des femmes de ménage. Ah bah, autre chose. Mais c'est un scandale, tu sais combien elles sont payées? Tu les as soutenues, j'imagine. Et bien sûr, mais j'ai monté un syndicat. On a versé tout le linge dans le bureau du directeur et on a vidé la piscine. Mais donc t'as pas arrêté non plus, en fait. Non. Mais à quoi ça sert que vous preniez des vacances? Mais il y a pas de vacances pour la lutte. Mais exactement, elle a raison. Vous voulez savoir au Michigan le type ivre non, ce qu'il a fait? Non, non, par contre non, ça, on ça s'en fout. En fait. Oh là, rien n'a changé. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui lit la presse avant qu'elle ne finisse par emballer les légumes. Et voici les trois informations qu'on va vendre à la criée, à vil prix sur le marché. Cette semaine commence par le bras de fer sur la loi travail, notamment entre les syndicats et l'exécutif. Avec cette loi, le gouvernement y est allé très fort, sachant qu'il allait devoir lâcher du lest. La politique, c'est un truc de marchand de tapis, finalement. Écoutez, Valls devant les syndicats. 20 000 francs. Non, 30 000. 25 000. Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Allez, laisse tomber. J'ai 30 000. NKM doit se déclarer candidate à la primaire à droite demain, mais c'est particulièrement difficile d'être une femme candidate à droite, surtout quand en face, on a Nicolas Sarkozy, mais enfin ça, NKM, ça, elle s'en fout. C'est un tout petit gabarit, j'en ai maté des plus grands. Paris se prépare à affronter une crue historique de la Seine. La crue centennale promet d'être spectaculaire et de noyer la capitale. Il y a donc toutes les chances que ça arrive pour la fin du mandat de François Hollande. Il y avait eu une formule de Lyautey selon laquelle gouverner, c'était pleuvoir. De ce point de vue-là, nous réussissons au-delà de toutes nos espérances. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui que j'ai vu ranger discrètement sa bouée canard dans un tiroir du bureau. C'est Alex Vizorek. On n'est jamais assez prévoyant. Bonjour Charlie Danonaker et bonjour à toute l'équipe. Attention, pour cette rentrée, nous avons à 17h20, il nous rejoint reposé. Même si dans le métier d'acteur, se reposer fait entièrement partie du boulot. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour Alex, quelle bonne définition. Je vois que vous vous y connaissez assez bien. Dites donc, je vous regarde et je fais tout comme vous. De quoi on va parler? On va parler de l'histoire. Ça n'a pas changé, finalement. Ça n'a pas changé. C'est fou. Hein. 17h30, j'aurais pas voulu être son premier interviewé ce matin. Ça fait 7 jours qu'il n'a plus contredit personne de manière professionnelle. Autant dire que si le type lui dit que la Terre est ronde, il l'aurait remis en question. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. C'était ce week-end, je suis allé au Salon de l'Agriculture. J'ai pas pu m'empêcher, je suis désolé. Voilà, le salon où des gros bœufs côtoient des poètes qui savent parler aux consommateurs. Pour le consommateur, il faut avoir un arc-en-ciel dans le cœur et des larmes dans les yeux. Oh putain, c'est beau ce qu'il dit, le coq. Et à 17h40, je suis très inquiet car elle a eu 2 semaines pour réfléchir. Et je vous cache pas que déjà, quand elle réfléchit 1 semaine, je comprends pas tout. Bonjour Isabelle Sorrente. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors on a dit non? Aujourd'hui, non, on va dire oui. On va dire oui au livre de notre invité. Ah bah, on va parler de monarchie. Formidable. Oui, le référent de la République qui vient présider cette émission est né sous le gouvernement provisoire de Félix Gouin, ce qui peut-être vous prédestinait à ce que vous faites aujourd'hui. Vous collaborez au magazine Actuel en 70, c'est l'année des choses de la vie, le film de Claude Sautet. Vous recevez le prix Goncourt pour La Bataille en 97, quand Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale et sa crédibilité par la même occasion. Vous intégrez ensuite l'Académie Goncourt en 2008, l'année où Carla et Nicolas se disent oui. Et vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Je suis quoi? Ah bah voilà, c'est ça la question. Désopilant. Ah, oui. Il est désopilant. Il est désopilant, c'est vrai. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Il est Patrick Rambaud de l'Académie Goncourt. Oui, si vous voulez. Mais vous êtes le plus désopilant de l'Académie? C'est ce qui est écrit. Hein. Non, on s'amuse bien, puis on a... Vous savez, on n'a pas de fauteuil à l'Académie, on a des couverts, ça veut tout dire. Ah, oui. Enfin, au moins, vous lisez le menu, on ne sait pas si vous lisez tous les livres, mais le menu du restaurant. Certainement, le menu en premier. En arrivant, on voit ce qui se passe. Oui, celui-là, vous allez jusqu'à la fin. Je les garde tous les menus, d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Ben oui. Ah, C'est intéressant. Ben oui, et les livres pas, mais le menu oui. Les livres moins. Ben vous savez, on en reçoit quand même environ, les romans, on en reçoit environ 500, quoi, tous les ans, entre le 15 juin et le 15 août. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup absorber. Oui. Patrick Rambaud, qui a publié début janvier François le Petit, Chronique d'un règne. C'est publié chez Grasset. Alors il y est question bien sûr de François qui passe sous tous les noms, de François le Flou par exemple, du duc d'Evry qu'on reconnaîtra, ou de la marquise de Pompatuite qui s'est fait répudier. Alors c'est évidemment la chronique, la fable du pouvoir telle qu'on la connaît chez vous avec Nicolas Ier ou avec François le Petit cette fois. Patrick Rambaud, pourtant, dans ce quinquennat, on nous annonçait l'ère de la transparence et une certaine normalité qui n'était pas de bon augure pour la satire. Mais c'était une erreur. Mais j'aurais laissé quand même du temps, j'ai laissé au moins 2 ans, voir un petit peu ce qui se passait. J'ai fait autre chose entre-temps, justement, pour me reposer. J'ai fait 6 volumes sur l'autre clown. Donc j'en pouvais absolument plus, j'ai fini à 4 pattes, sur une civière pratiquement. Et je voulais m'arrêter, ça suffit. C'était contre moi, j'ai fait ça, j'en ai fait le premier, et puis après on m'a demandé de faire un second. Bon, alors j'en ai fait 6. Et là, je voulais m'arrêter. Et puis, c'est tellement lamentable que j'ai repris. Quoi. Alors, à quel moment vous avez eu le déclic? Parce que j'imagine que comme nous, chroniqueurs, on adore s'emparer aussi de ces choses-là, nous, on se disait aussi, comme les caricaturistes de presse, je pense, ça va sans doute être moins drôle avec Hollande, plus difficile. Mais pas du tout, en fait. Oui. Pas du tout. Mais à quel moment vous avez commencé à sentir une forme d'accumulation? C'est l'accumulation. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Cahuzac, ça va être un petit coup. Cahuzac, ça a commencé, c'est pas mal, déjà. Ouais. Déjà, le tweet du début était bien. Et la marquise de Pompatuite, c'était un... Et la pluie qui le suit tout le temps, comme vous disiez tout à l'heure. Là. Oui. C'est vrai qu'il était encore en Polynésie, la pluie. Oui. C'est étonnant quand même, à chaque fois il y a une pluie. C'est vrai, avec un avion en panne. Donc c'était un mauvais signe, ça, c'est un mauvais signe. C'est pour ça qu'il est très aimé en Afrique. Au Mali, en Centrafrique, c'est le blanc qui fait plus. D'accord. C'est vrai. Ouais. Mais n'y a-t-il pas un petit peu d'amertume dans François le Petit? C'est un petit peu plus difficile parce que Nicolas Sarkozy avait un côté très ridicule dès le départ, même avant l'élection. On sentait aussi qu'il pouvait y avoir un potentiel, mais il y a une forte déception surtout. Alors comment est-ce qu'on manie l'amertume dans déception. La satire? Moi, j'ai jamais pensé que c'était un phénix, hein, le bonhomme. Je pensais pas qu'il ferait des merveilles. Mais il se trouve que je suis tout ce que vous voulez, sauf de droite. Donc évidemment, je croyais qu'il était de gauche, comme tout le monde. et voilà, c'est ça. S'il y a une déception, c'est peut-être celle-là. Mais c'était pas au départ, je ne croyais pas grand-chose. Mais c'était bien pire que ce que j'imaginais. Et c'est ça le problème. On va vous attendre probablement sur le suivant. Alors, le romancier que vous êtes, qu'est-ce qu'il espère? Mais j'espère rien, moi. J'ai un temps de recul, toujours. Je regarde ce qui s'est passé, je raconte, c'est tout ce que je peux faire. Oui, mais vous pourriez vous dire, tiens, voilà quelqu'un qui fera un meilleur personnage qu'un autre. Est-ce que quelqu'un comme Juppé, par exemple? Ah ben non, on sait pas. On sait pas quoi. Oui, Juppé, c'est quoi? C'est le duc de Bordeaux. Alain le Taciturne, on pourrait l'appeler, par exemple. C'est parti. Peut-être, je sais pas. Pourquoi pas. Mais c'est un garçon, non, j'avais déjeuné avec lui il y a très longtemps, à l'époque du Goncourt, à Bordeaux. Il m'avait emmené dans un restaurant où on mange des brochettes de cœur de canard. J'avais jamais mangé ça. Donc je suis bienveillant avec lui à cause de ces brochettes de cœur de canard. On peut vous acheter, alors. Pour l'instant. Oui. Uniquement avec de la bouffe. Il va encore vous décevoir, vous allez encore être déçu. Uniquement en cuisine. C'est déjà pour savoir. Voilà. Patrick Rambaud publie donc François le Petit chez Grasset, la chronique d'un règne dont on va reparler avec Isabelle Sorrente. Et puis on va aussi un petit peu chroniquer à chaud Patrick Rambaud, ce qui se passe en ce moment et notamment la loi El Khomri sur France Inter. On est ensemble jusqu'à 18h. Patrick Rambaud nous accompagne. Il y a aussi Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice et son reportage, Alex Vizorek et ses brèves désopilantes. Il y a du désopilant. Allez, restez avec nous. I'm your Venus, I'm your Violet, you're C'est devenu impossible de gouverner entre soi comme auparavant. Englués dans le passé, les élus refourguaient leurs anciens discours à peine toilettés. Le métier se perdait comme celui d'hôtesse de l'air, naguère prestigieux, qui ne consistait plus qu'à poser devant vous un infect plateau repas ou à distribuer des sacs pour vomir le contenu du dit plateau repas. François IV n'en avait pas conscience. François IV, c'est... François Hollande, dans François le Petit, Patrick Rambaud est avec nous. Il publie chez Grasset. François le Petit, on est avec vous jusqu'à 18h, Patrick Rambaud. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, la fine équipe du lundi, Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice et Isabelle Sorante par ordre d'apparition. Et tiens, la petite chronique de l'écume du jour, c'est maintenant ? Allons-y, les infos surtout. Bon, allez, à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Ce matin sur France Info, Jean-Vincent Placé a déclaré, je cite, « Je suis centriste ». C'est cohérent, avant il était pour l'éolienne, maintenant il est pour la girouette. Chypre, un fonctionnaire écrit une lettre au président de l'île pour se plaindre d'être payé à ne rien faire. À Radio France, on se dit choqué par cette initiative peu solidaire. Et il y aura des brèves. Oui, parce que ça fait une semaine que je les compile. Aïe. Et on commence donc par la polémique. François Hollande a remis la Légion d'honneur au ministre de l'Intérieur saoudien. Oui, si tout va bien, dès demain, la Légion d'honneur sera aussi disponible à la boutique de l'Élysée. C'est là où les Balkany l'avaient acheté. D'accord. Ils revendent la leur, non ? Tout va bien. Politique toujours, le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a poussé un coup de gueule dans la presse ce week-end. Ah, encore une nouvelle tuile pour François Hollande. Après les 100 dents, voilà les centristes. Non, mais en fait, non, il en veut à Nicolas Sarkozy de ne pas lui avoir répondu. L'UDI souhaite faire une primaire commune avec les Républicains. Jean-Christophe Lagarde rappelle, pour faire un accord, il faut être deux. Non, Sarkozy est déjà très en accord avec lui-même. L'UDI qui est menacé d'explosion, je vous rappelle. Oui, le nouveau centre d'Hervé Morin pourrait faire sécession. Oula. Ce qui réduirait l'UDI à la Force Européenne Démocrate, plus l'Alliance Centriste et le Parti Radical, plus la Gauche Moderne. Ah bah oui, en effet, on mesure mieux le séisme que provoquerait un départ du nouveau centre. Oui. Comme quoi, l'UDI, on croit toujours que tout le monde s'en fout, alors que tout le monde s'en fout complètement. Voilà. International. Oui, revenons sur ce fonctionnaire chypriote qui a écrit une lettre au président pour se plaindre d'être payé à ne rien faire depuis un an. Je le cite, « Je trouve inacceptable qu'un fonctionnaire soit réduit à l'inactivité en gagnant environ 5000 euros par mois, alors que le salaire mensuel moyen dans ce pays est de 1500 euros. L'État aurait fait des économies si on m'avait demandé de rester à la maison. Il n'y aurait pas eu à payer le chauffage ni l'électricité dans mon bureau. » Écoutez, là, je pense qu'il faut en tirer des conclusions. À partir de demain, on demandera aux sénateurs de rester chez eux. On économisera déjà le chauffage et l'électricité du Palais Luxembourg. International toujours, une photo a enflammé le web. Oui, on voit Pablo Iglesias, le leader espagnol de Podemos, embrasser sur la bouche un député d'un autre parti catalan, un peu l'équivalent des écolos, en plein milieu de l'hémicycle, ils se sont roulés une pelle. Eh oui, c'est un petit peu comme si Jean-Luc Mélenchon embrassait sur la bouche Jean-Vincent Placé, le Jean-Vincent Placé d'avant. Ouais, on va arrêter, j'ai l'image. Oui, je vous ai raison, c'est dégoûtant. Oui. Technologie, Ray Tomlinson, l'inventeur de l'email, est décédé. Oui, j'espère qu'il a pensé à mettre un message d'absence automatique. Sport, Yannick Noah, le capitaine de Coupe Davis, a donné des interviews très détendues avant la rencontre. Oui, mais vous connaissez ça, les journalistes sportifs sont pas du genre à se laisser gruger. Écoutez Yannick Noah devant une forêt de micros de journalistes sportifs. Mais est-ce que vous êtes là ou pas ? Oui, on est là, bien sûr. Non, est-ce que vous êtes là ou pas ? Oui, là. Non, vous n'êtes pas là. Est-ce que vous êtes là ou pas ? Oui. Non, mais je ne sais pas si je vais vous prendre dans mon équipe. Quand je fais « Rrrr, Makatania », vous faites « Nya, nya, nya, Rrrr, Catania. C'est mou. Rurma Catania. Donc c'est pas du public, c'est des journalistes sportifs. Rappelons que la déontologie du journaliste sportif n'est pas la même que la déontologie du journaliste normal. On n'imagine pas Myriam El Khomri dire au journaliste: après moi, vous du travail. Et des brèves. Des brèves. Isabelle Balkany, victime d'une arnaque au chèque bancaire. Ah oui, elle a dû déposer plainte pour vol et falsification ça de chèque. Ça lui fait tellement bizarre de se trouver de l'autre côté de la plainte. Chine à présent, oui. Bloquée dans un ascenseur, une Chinoise retrouvée morte un mois après. Ah oui, des ouvriers avaient coupé l'électricité sans vérifier s'il y avait quelqu'un dedans. Bah écoutez, la prochaine fois, elle prendra les escaliers. Voilà. Et le meilleur pour la fin, bien sûr. Ah oui, après San Francisco et Londres, Copenhague accueille en mai le marathon de la masturbation. Faites attention si vous y allez, hein. Pénis elbow, c'est dangereux. Voilà pour ces informations. Et pour vous dire toute la vérité, l'histoire de Balkany et du chèque s'est passée pendant les vacances. Et Vizorek et Guillaume Meurice nous ont écrit: mon Dieu, mais pourquoi ça se passe pendant les vacances? Oui, à l'antenne, oui, donc voilà, oui, c'est fait. Justice est rendue. Il y en a eu plein pendant les vacances. Quand il y a des affaires pendant les vacances, nous, ça nous. Hein, ça vous titille aussi, Patrick Rambeau. Hein, non, mais vous avez oublié le dentiste de Château Chinon que j'aime beaucoup. Ah, alors, dites-nous, racontez-nous. Mais aujourd'hui, il comparaît devant ses victimes, il y en a une centaine au moins. Tous les estropiés, il arrachait 8 dents d'un coup. Il faisait une anesthésie qui durait 3 heures et à ce moment-là, il allait s'occuper d'un autre client. C'était un fou complet. C'est le docteur de la joue. Docteur de la joue. Ouais. Docteur de la joue. Comme ça, la joue. Ah ouais, non, c'est, voilà, c'est dommage. Là, c'était un bon client pour vous. On rappelle au service juridique de France Inter avec tout ce qu'on vient de dire que. Là, c'est Patrick Rambeau qui a balancé. Ne mouillez pas de la joue là-dedans. Tout le monde a eu mal aux dents une fois dans sa vie. Patrick Rambeau, vous êtes avec nous jusqu'à 18h. On en profite. On va aborder le premier sujet. L'avenir de la loi travail devient légèrement incertain. Pas comme ça lui fera un point comme avec les chômeurs. Hein. Pourtant, le gouvernement s'est donné du mal. Cette loi est le fruit des discussions entre Valls et le MEDEF. Écoutez. La plaie de l'entreprise, c'est le salarié. Absolument. Alors le salarié, il arrive, il n'est jamais content. Ça va jamais. Il pense qu'à partir le soir, il pense à son chèque à la fin du mois, c'est lui. Vendredi soir, il pense à moi. Jamais content. Jamais. Il demande des augmentations. Le bénévole ne demande pas tout ça. Mais non, puisqu'il n'a rien. Voilà, exactement. Le bénévole vient avec son cœur. Je vois. Avec son enthousiasme. Mais voilà, et c'est ça qui compte. Et c'est comme ça qu'il se réalise. Voilà. Dans le travail, dans l'entreprise. Et voilà, les deux chiens, pour illustrer le sujet. Patrick Rambeau, cette loi El Khomri, qui vient après la déchéance de nationalité, etc., ou l'état d'urgence prolongé, ça va quand même fameusement gratiner le prochain volume que vous allez consacrer, j'imagine, à la deuxième moitié du mandat de François Le Foll. Je laisse passer un peu le temps pour voir comment ça se passe. Il faut du recul. Ça va être central, parce j'imagine. Parce que tout était fait à l'envers, remarquez. D'abord, tout part d'une fuite. Il manque de plomberie complètement à l'Élysée. Il faut un plombier dans le gouvernement. Ça part d'une fuite, d'un truc qui était un brouillon, qui n'était pas encore passé au Conseil des ministres et encore loin de là, à l'Assemblée. Donc c'était un machin comme ça qui passait. Et des fuites, et les gens ont poussé des cris abominables. Rien n'était fait encore. Donc tout était fait à l'envers. Maintenant, on va renégocier avec les gens. Après. C'est très curieux. Mais alors, une question. Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique de pousser le curseur très loin? Tout en sachant qu'il va y avoir contestation, qu'il va falloir marchander, discuter avec les syndicats à la rue, et puis on va très très loin politiquement parce qu'on sait qu'il va falloir reculer. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de marchand de tapis Mais non, ça fait à l'envers, je vous dis. Il faut que je regarde tout en détail pour faire le truc à l'envers. Ah, mais c'est encore pire que marchand de tapis. Moi, je préfère encore avoir un marchand de tapis qu'un type qui fait les trucs à l'envers. Mais oui, mais c'est pas un marchand de tapis. C'est ils sont gourés partout, comme d'habitude. Hippolyte Girardot. Moi, j'ai l'impression que c'est stratégique, c'est-à-dire que quand on fait un truc comme ça, après tout le monde sort du bois, donc on voit exactement à quel endroit se situent les oppositions, ceux qui sont d'accord, et ça permet de diviser. Mais pas tout le temps, pas sans arrêt. Sans arrêt comme ça. Moi, je pense qu'il gouverne comme ça depuis le début, avec cette idée de la division. Vous savez ce que disait Pierre Dac à ce propos? Il vaut mieux s'enfoncer dans la nuit qu'un clou dans la fesse droite. Ça, c'est bon. Je connaissais celle-là. C'est ce que j'en pense. Super. Quant à la contestation, Patrick Rambeau, elle est en train de changer de forme. Elle a commencé par une pétition qui a atteint le million de signataires, et puis on attend les jeunes dans la rue mercredi. Est-ce que ce changement de forme de contestation, vous le romanciez? Vous avez, un regard particulier là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui ont changé avec Internet, c'est-à-dire que la lettre anonyme de dénonciation, maintenant, se multiplie par des millions à chaque fois, quoi. Et c'est ça, en fait, ces insultes, tout ça. On ne peut plus contrôler tout ça. Donc c'est assez dangereux, quand même. Alors oui, il y a ça, mais il y a aussi c'est une pétition, là c'est une pétition. Mais il y a pas que des pétitions. Y a, ouais. y a, vous voulez dire qu'il y a un défouloir sur les réseaux sociaux, la contestation est canalisée. Vous savoir qui a lu ce texte parmi les gens qui ont fait la pétition. On a lu des résumés. Des résumés, mais on peut pas se prononcer sur un résumé, sur une loi. On peut ni critiquer ni être pour. Est-ce que vous avez lu la loi sur le mariage pour tous, par exemple, ligne à ligne? On peut quand même avoir un avis sur une loi. Je l'ai fait un an et demi après, j'ai eu le temps de me renseigner quand même. Et un an et demi après, j'ai dit tiens, je suis descendu dans la rue, mais j'étais tout seul. C'est un peu tard, jeune homme. Mais personne n'a lu ce texte. Non, mais personne ne lit les textes de loi ligne par ligne. Évidemment, vous avez tort. C'est très amusant. Vous le faites, vous? Ah ben je le fais sur quand j'en parle, oui. Ah voilà, d'accord. J'étais journaliste autrefois. Vous étiez avec les journalistes le font. Il y a longtemps. Oui, actuel. Non, actuel. Ah oui, non, mais actuel, c'est sérieux. Le changement de forme de la contestation, qui est moins romantique. Est-ce que vous le regrettez, vous, en tant que romancier? Parce que évidemment, c'est plus difficile, j'imagine, de s'en emparer de façon littéraire, d'une pétition plutôt que de plutôt centaines de milliers de gens dans pétition. La rue. Mais il y aura les deux. Attendons après-demain. Vous êtes pressé, hein. C'est vraiment ça, la presse. C'est effrayant. C'est votre boulot. Avant que le truc existe, il faut en parler. C'est effrayant. Vous critiquez. C'est-à-dire qu'une fois que c'est voté, c'est trop tard. Donc, vaut mieux contester. Mais c'était loin d'être voté. C'est même pas passé au Conseil des ministres. Parce qu'ils ont reculé. La rue qui les a fait, enfin la rue Internet en l'occurrence, qui les a fait reculer. C'est même pas passé. Mais ça a commencé avant. Alors il y a un léger édulcorant pour l'instant. Hein. C'est pas grand chose. Le plafonnement au prud'homme. On s'en fout complètement. Et voilà, Patrick Rambois tranché. Et je pense que nous pouvons clore ce sujet numéro 1. Oui, c'est mon dentiste qui m'intéresse. Le dentiste Château Chinon, rien ne m'intéresse aujourd'hui. Ce type est absolument étonnant. Allez, Hippolyte Girardot. Oui. Un comédien, ça manque comme un arracheur de dents ou pas? À peu près, en effet. Hippolyte, aujourd'hui, a cédé sa place à son ancêtre, le baron de la Girardale, qui veut rendre hommage à notre invité. Oui, cette année-là, vit les échafourés entre les représentants de l'ordre ancien et ceux qui proclamaient leurs idées progressistes à coups de pavé, prendre une allure, cette fois, de révolution. Mais la rentrée approchant, le duc de Montboudif, qu'on nommait Pompidou, et le jeune baron de Corrèze s'accordèrent avec le tiers-état et on recouvrit les chaussées d'un manteau de goudron noir, marquant ainsi le deuil qu'il fallait faire d'un nouveau monde. Mes parents, fiers sans culotte, en furent maris. Mon frère et moi, certes solidaires de nos parents déprimés, mais néanmoins décidés à n'en point subir la néfaste influence, nous éclipsâmes de la maison familiale pour s'en aller quérir ce qui, à l'époque, avait pour nous grande valeur. Des galettes de vinyle qui, quand on les grattait avec un diamant, produisaient de la musique. Notre préférence allait pour les gigues et autres bourrées venus avec diligence de la Grande-Bretagne. Nous fascinait particulièrement un groupe de roturiers au nom mystérieux de Scarabée, et nous avions ouï dire de leur nouvelle passacaille, salut Jude. Quand le camelot nous tendit l'objet dans sa pochette en papier, mon œil fut saisi par un mot inscrit sous le titre. Révolution. Révolution ? Une chanson des scarabées, bigre. Qu'est-ce donc, marchand, que ceci? La face B, mon maître. Oui, c'est ainsi que nous devisions alors entre jeune marquis et débutant dans cette ville royale dont votre maître, monsieur Rambaud, chroniqua le siècle fameux. Une face B qui, je vous assure, est une sacrée gavotte. Voulez-vous louir? Aussitôt, ses mains chargées de plus de bagues que de doigts, mit sur le tour l'objet, orné en son centre de la photo d'une pomme tranchée, y déposa le diamant et ceci nous immobilisa. Encore aujourd'hui, je me souviens de la piloérection qui saisit ma peau. Une telle décharge électrique ne pouvait que proclamer la révolution. Je dis à mon frère que plus jamais nous n'irions à l'école. Le scarabée à lunettes rondes le chantait. Me voyant sortir ma bourse, le boutiquier, derrière des besicles orangés destinés à dissimuler un blanc des yeux lui-même assez orangé, sortit alors une autre galette noire, celle de la troupe du Lord de la Lippe et de ses baronnets roulants. Oh, nous abominions ces rivaux des cafards scarabées, car en ce temps-là, il fallait choisir son camp. Point de cela, m'apprêtais-je à dire, quand le bonimenteur, agile comme un perdreau se dérobant sous un bosquet, avait déjà jeté le saphir sur le micro-sillon. « Oh, quel rigodon, quel rigodon! Et Lalip, le seigneur de Lalip, semblait lui aussi prôner la révolution. Alors nous repartîmes, lestés de nos économies, mais chargés des menuets britanniques. Ce n'était plus de la musique, non, c'était des mousquets. Je me remémorais cet épisode quand je lus, la semaine dernière, l'annonce du lord de Lalip qui s'apprêtait à jouer gratuitement avec ses camarades au pays du barbu. Le même barbu qui à l'époque dont je vous parle, n'hésitait pas à couper les tonsures de ceux qui voulaient ressembler au baronnet roulant ou au scarabée, et qui ensuite les jetait dans des camps de sinistre mémoire. « Oh tempora, oh mores », me disais-je. Point de grande morale à cette chronique, sauf peut-être celle-ci. Peut-on faire confiance au sujet de la perfide Albion? Que nenni. Ni au barbu, d'ailleurs. Hippolyte Girardot. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris, donc en fait, les Rolling Stones ont fait un concert à Cuba. Voilà, c'était le thème. Non, mais tiens. Je vous remercie, Seigneur Isorek. Il est donc possible de résumer une chronique d'Hippolyte Girardot en une phrase. Voilà, mais ça ne vaut pas l'acte oui. théâtral. Et on vous conseille aussi la vidéo sur franceinter.fr, puisque Hippolyte Girardot a sorti le matériel, je voulais dire la perruque d'époque, et que ça ajoute un peu de sel quand même à cette chronique. Patrick Rambeau. D'époque, je sais pas, faut voir. D'époque synthétique. Mais le style était en hommage à votre ouvrage. C'est vrai, c'est très gentil, oui. Mais l'époque n'est-elle pas synthétique, finalement? Oui. Question. Vous avez 4 heures, merci. Allez, on est avec Patrick Rambeau. Jusqu'à 18 heures, il publie chez Grasset François le Petit. Et derrière, on va parler de NKM La Grande. Il souffle. N'oublie jamais personne. N'oublie rien, disait-elle en chemin. S'il faut jeter sa vie au-delà des orties, où est la poésie? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie, blotti au creux des bras. Mais où est la beauté? À chaque jour sa peine, ne dis pas que tu l'aimes. À chaque nuit sa joie, blottie au creux des bras. La maison Tellier dans le jukebox. Enfin, dans le jukebox, oui. Celui qui l'a mis dans le jukebox, c'est Loïc Frapsos, à la technique. Salut. À la préparation de Annule Tout, il y a Nathalie Romero, Sarah Masson et à la réalisation, Lola Costantini. On est ensemble jusqu'à 18h avec notre invité Patrick Rambeau. Et autour de cette table, Alex? Eh bien, nous avons Isabelle Sorrente, nous avons... Il est revenu, Hippolyte Girardot. Votre aïeul était parmi nous tout à l'heure. Et c'est au tour de Guillaume Meurice. Nice. Oui, où je ne me trompe. Eh ben non, vous ne vous trompez pas, Alex. Moi, je vais vous parler du Salon de l'Agriculture où je me suis rendu ce week-end. Alors, le Salon de l'Agriculture, on connaît, hein, c'est du bétail entassé dans un hangar. Mais pas seulement, ce sont aussi des animaux hein, qui, eux, contrairement au bétail précédemment cité, n'ont pas payé leur place, hein, qui sont là gratos, peinards. On les chouchoute, on les dorlote, on les bichonne, on les bute et on les mange. Hein. Voilà, si vous voulez, c'est comme si à la fin de Miss France, on bouffait Miss Poitou-Charentes en méchoui. Il y aura moins à bouffer, mais bon, c'est pareil. Alors attention, moi je suis végétarien, mais je veux pas tomber non plus dans le fanatisme pro-boulgour hein, ou le radicalisme tendance quinoa. Et je reconnais volontiers que le français aime la viande, et je l'ai constaté d'ailleurs, le français il aime tellement la viande qu'il est capable de faire une heure de queue devant le stand de la marque Charal, je vous jure que c'est vrai, pour remporter un cadeau. Alors il l'a fait pourquoi cette heure d'attente, ce français? Je l'ai fait surtout pour la boîte à Charal, parce que la boîte à Charal elle est bien. Ah ouais, quand même. Surtout pour ça. Là vous êtes content de ce cadeau du coup? Ouais, plutôt, ouais. Là je suis plutôt satisfait. Ouais. Et ben voilà, voyez, on dit toujours le français, il est jamais content. Et ben je suis désolé, une boîte en plastoc qui crie le slogan de la marque et le français, il est content. Moi je serais Manuel Valls, je me casserais pas le cul, j'enverrais directement 66 millions de boîtes à meux et tout le monde serait content et vive la France. Alors au salon, il y avait également des concurrents hein, de la marque Charal dans la production de viande, donc notamment le gérant de la société Novo Viande qui lui embauche plutôt des femmes. Alors pourquoi? On s'est aperçu que d'abord il y avait du potentiel chez les femmes, bah, il faut le savoir, et on est parti. Ah bon? Ah ben oui. Et on est parti aussi de l'idée qu'une femme, une fois qu'elle a un enfant ou deux, est beaucoup plus efficace qu'un homme. Je suis désolé, monsieur. Ah, mais pourquoi alors? Ben parce que les femmes, quand on a des enfants, on est organisé à faire plein de choses en même temps. On surveille le lait sur le feu, on répond au téléphone, on surveille la machine à faire, et l'enfant qui fait des bêtises. Donc on peut plus exploiter une femme, on peut lui demander de faire plein de trucs. Ah oui, ça c'est clair, il y a un gros potentiel. Et oui, on ne pense pas assez au potentiel qu'a la femme de se faire exploiter. Hein, pensez-y, si vous avez une femme à la maison, d'ailleurs je vous le dis, un petit conseil, vous lui faites des gosses et puis après vous pouvez l'exploiter à votre guise. Alors il ne fait pas qu'exploiter des femmes, hein, ce boucher, il s'occupe aussi de réinsertion professionnelle. On a chez nous aujourd'hui un monsieur de 28 ans, Aurélien, il était cadre à la BNP, responsable d'agence, il a quitté la BNP et la banque pour venir travailler chez nous et apprendre le métier. Ah bah avant, il plumait ses clients, maintenant il plume des poulets, quoi. Voilà, voilà, donc ça aussi, pensez-y, un petit conseil, si vous êtes banquier, vous pouvez vous réorienter professionnellement. C'est pareil, mon dentiste de Château-Chinon, il pensait... Ah, il y a un lien. Il y a un lien, quand même. Ça pourrait être ça. Ouais. On l'appelle le boucher de Château-Chinon, d'ailleurs. Il y a des ponts qui sont possibles entre les professions. Absolument. Alors banquier, voilà, ça peut pas forcément la volaille, hein, d'ailleurs, hein, la proctologie, hein, ça peut marcher. Si vous êtes banquier, a priori, vous connaissez les gestes de base, ça peut être plus facile. Parce que bon, si vous voulez travailler dans le domaine de la viande, il y a quand même des contraintes, hein, faut le savoir. Il faut d'abord être très sensibilisé au bien-être animal, ça c'est vraiment la base, on rigole pas avec ça. C'est un éleveur de porc qui me l'a dit. Bien sûr, nos animaux, vous voyez par exemple jusqu'à la finition, ils ont jusqu'à 1 mètre carré minimum d'espace dans les cases. 1 mètre carré, c'est pas énorme quand même. Mais ça c'est pareil, c'est pour le bien-être animal, pour pas qu'il y ait d'écrasement, pour pas que... Voilà, donc, Ah, c'est pour pas qu'ils écrasent les autres, c'est ça? Bah, les porcelets, quand elles sont en maternité et qu'elles mettent bas, vous savez, elles sont nerveuses, elles sont stressées, elles peuvent écraser les porcelets, vous savez, elles sont assez grosses et les porcelets, au début, ils sont un peu perdus. Voilà, hein, une belle personne hein, qui se soucie des petits cochons qui peuvent se faire écraser par leur mère à la naissance. Alors, bon, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il enferme les mères dans 1 mètre carré. Et ça, je veux dire, c'est quand même plutôt sympa. Si on avait fait ça avec Véronique Courgeot, eh ben, on n'en serait pas là. Hein, on a tendance à l'oublier, bah, il faut le dire. Et en plus, on oublie une chose, c'est que dans leur 1 mètre carré, ils sont à l'abri, ces animaux. Ça aussi, il me l'a dit. Pour moi, mettre les animaux en plein air, c'est joli, mais nous, c'est nous, chez nous, le bien-être. Mettre les animaux l'hiver dehors, pour moi, c'est pas du bien-être parce que. Moi j'aimerais pas vivre dehors de ce temps. Donc oui, bien sûr, c'est pour le bien. Donc là, c'est pour leur bien, ouais. Voilà, tout à fait, bien sûr. Sinon, on le ferait pas. Bah, ouais. Non, hein, d'ailleurs, moi je trouve ça dégueulasse, je vous le dis, hein, tous ces humains, soi-disant défenseurs des animaux, qui les laissent se cailler le cul l'hiver dehors, hein, tous ces sangliers, là, tous ces caribous, tous ces castors. D'ailleurs, je lance l'opération aujourd'hui, héberger un chevreuil chez vous pour l'hiver. Hein, c'est très important pour eux, c'est la moindre des choses. Heureusement qu'ils sont là, tous ces gens qui travaillent dans la filière de la viande, donc, et qui aiment les animaux. Concluons avec notre ami Boucher. Parce que moi je vais visiter les abattoirs, non, l'animal est très respecté. Tout ça, on a beaucoup d'importance en commençant par les éleveurs. Les éleveurs, ils aiment leurs animaux. Et dans la chaîne d'abattage, même chose. Hein, on aime les animaux à l'abattoir? Bien sûr, vous avez des gens qui travaillent dans l'abattoir, ils sont amoureux, ils sont nés là-dedans. Est-ce qu'ils n'ont pas une vision de l'amour un peu particulière quand même? C'est la vision d'amour qu'on a, on aime les bêtes. C'est-à-dire, quand on les voit ici au salon, qui sont en train de les brosser, de les caresser et tout, c'est évident que... Mais c'est une façon de... Oui, mais après, ils les découpent à la tronçonneuse, c'est ça que je comprends pas. En même temps, vous avez raison, là, il y a un problème derrière ça. Est-ce que vous aimez votre femme? J'adore mon épouse. Alors vous allez la découper à la tronçonneuse? Pas du tout. Ouais. Mais Chanel, je me méfierais quand même un petit peu. Et je méditerai sur cette phrase de Jean Cocteau. Tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Tu dis que tu aimes les chiens et tu leur mets une laisse. Tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage. Tu dis que tu m'aimes, alors moi, j'ai peur. Guillaume Meurice, merci. Patrick Rambeau, vous opinez du chef? Non, j'imaginais le dessin de Cabu sur les poulets qui défilent sur le rail, là, pendu par les pattes, et puis un bouchon au milieu qui passe. Je voyais ça comme ça, je pense. C'est ça. Résumé, plus les boîtes à meufs. Donc on voit que le français est content avec une boîte à meufs. Je voudrais une boîte charal, donc c'est possible. Ah, mais j'en ai pas ramené parce que je me suis pas tapé les 1h de queue. C'est absolument dégueulasse, mais à part ça. Ah oui. Ah, la boîte aussi est dégueulasse. Non, tout est dégueulasse. C'est une cohérence. Ça me plaît bien. Moi, j'avais déjà une espèce de boîte où il y avait un Ronald Reagan qui sortait avec un ressort. J'avais acheté à l'époque. Très très bien, oui. J'aime bien ce genre de choses, objets. Ah, bah si j'avais su, je vous l'aurais ramené. Alors, voilà, si ça idiot, existe avec Hollande ou Sarkozy, on vous le met de côté alors. Je crois pas, c'est pour ça en Angleterre. Ça pourrait. Voilà une idée. Les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, les micro-entrepreneurs, n'hésitez pas. Voilà. Allez, attention, demain, une femme va venir bousculer la primaire à droite, cher Patrick Rambeau. Oui, NKM doit se déclarer candidate à la candidature. Donc à la primaire à droite. Elles sont plus rares, les femmes candidates, surtout à droite, mais NKM n'est pas du bois dont on fait les flûtes. Elle a suivi un modèle de winneuse, le voici. Pourquoi les femmes au sommet, comme moi, sont-elles si peu nombreuses? J'ai la chance d'avoir évolué entourée de gens brillants. Je parle 9 langues, je suis diplômée de 14 universités et je gère 5 sociétés dont 3 sont au CAC 40 et 2 au Dow Jones. Mais anyway, la première chose que l'on m'est enseignée, c'est de ne jamais avoir à choisir entre carrière professionnelle et réalisation personnelle. Et jusqu'à preuve du contraire, mon mari est épanoui. Ça pourrait être NKM. C'est Fille d'aujourd'hui, une pastille qu'on peut retrouver sur Canal+, de Laurence Arnay. Alors, donc, NKM se déclarera demain, journée du droit des femmes. Chez les Républicains, on a toujours dit parti Godillot, une femme candidate, ça fait sourire certains. Ça se tient, être une femme comme argument de campagne, par exemple, pour NKM? Je vais répondre à ça, moi? Moi, si vous voulez, vous êtes pas obligé. Qu'est-ce que je vous dis? Je m'en fiche complètement. J'en sais rien, moi. Mais vous en foutez vous faites la chronique. Morano est plus drôle. Ah oui, ça c'est sûr. On est un peu plus sérieux avec NKM. NKM, sa candidature est plus crédible que celle de Morano. Il y en a qui deviennent drôles au bout d'un moment. On va voir d'abord. Moi, je vous dis, il faut du temps. On va voir comment elle se présente et tout. Vous la trouvez pas déjà drôle, NKM? On dirait, ça allait un peu mon cul sur ma commode. Je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Je me doute. Bien sûr, j'en suis servi. Des choses admirables. Mais Morano est encore mieux, je trouve. Mais alors, le maire devient bien, par exemple, à l'usage. Ah oui. Dit ce qui peut me nuire, c'est mon intelligence, des choses comme ça. Tu sais. Le maire a du potentiel. Il a une grosse tête qui passe plus nulle part, là. C'est extraordinaire. Alors lui, il devient bien. Ah, d'accord. Alors, il faut un petit peu les assouplir à l'usage. Est-ce que vous ne feriez pas une petite exception? Parce que vous êtes toujours sur le président de la République, mais sur la primaire à droite, il y a quand même moyen de faire un petit bouquin. Là. Mais j'attends qu'elle se fasse. Oui, je comprends, mais. C'est le temps du romancier. Je comprends. Alors ça, je comprends parce que. Il me faut digérer, moi. J'ai besoin de digérer. Comment vous faites? C'est pour ça que je mange jamais charal, par exemple. C'est impossible à digérer. Quand vous entendez des petites choses comme celle-ci, le maire qui dit qu'il est trop intelligent, tout ça, vous coupez l'article, vous mettez dans une farde. Tous les matins, ma camarade m'aide énormément. Il faut lire tous les journaux et découper les choses et puis faire des dossiers. Et puis un an après, vous réouvrez. Parce que nous-mêmes, en réouvrant votre livre, on s'est dit, ah mais oui, il y a eu ça. On oublie. Avec Sarkozy, c'était pareil. Les gens oubliaient. Ils me disaient, ah tiens, on avait oublié ça. Et oui, on oublie très vite. C'est fait pour passer à toute vitesse. Alors, Morano est effectivement plus marrante. Elle veut dire, c'est-à-dire qu'elle facilite le travail. Oui, elle aide. Ça aide. Est-ce qu'il n'y a pas justement un défi, et c'est pas aussi amusant, de s'emparer de NKM, qui a quand même un potentiel aussi? NKM, portraitisé par Patrick Rambeau dans les précédents ouvrages. Elle est dans son livre, déjà, avec les élections à Paris. Où elle voit une station fermée de métro, elle dit on pourrait faire une piscine. On lui dit c'est idiot parce que le métro passe quand même. La station est fermée, mais le métro passe quand même. On peut pas difficilement. Il peut pas passer dans l'eau. Donc elle a dit des choses comme ça quand même. Oui. Donc il y a quand même du potentiel chez elle. Un peu comme Balladur dans le métro qui disait il fait chaud. Oui, c'est ça. Des choses comme ça. Des c'est un petit peu le Balladur au féminin, vous voulez dire? Oui, un petit côté comme ça quand même. Ouais. Mais bon. Il faut, j'attends un petit peu encore, moi. On va voir comment ça mûrit. Ouais. Quand ils sont bien mûrs, ils tombent dans la C'est donc le temps du romancier et le temps qu'aime aussi Isabelle Sorrente de prendre son temps. Tout à fait. Pour lire Patrick Rambeau. un temps très agréable, cher vicomte de Rambaud, donc j'ai lu avec grand délice vos chroniques de notre cour. Alors c'est vrai, François le Petit est un souverain moins flamboyant, hein, moins nerveux, moins tyrannique. Moins nerveux, certainement. Hein, oui, certainement. Moins fascinant donc que Nicolas le Mauvais, que vous convoquez heureusement très vite pour redonner du mordant à cette page d'histoire. Alors dans votre livre, on découvre beaucoup de choses, par exemple que le maître à penser de François le Petit, sa figure inspiratrice, hein, comme diraient les psys californiens, c'est le cardinal Mazarin. Mais surtout, ce que j'ai compris en vous lisant, moi qui croyais vivre en démocratie, les amis, ce que j'ai compris en lisant Patrick Rambaud, c'est combien les chroniques saint-simoniennes et le style grand siècle sont adaptés à notre storytelling politique. Bref, combien nous obéissons encore en France, aujourd'hui au XXIe siècle, à un ordre symbolique qui est celui de la monarchie. Donc il ne faut pas rejeter la faute, je crois, sur la classe politique, ne sombrons pas dans le populisme, mais enfin la marquise de Pompatuit, Mademoiselle de Montretout, l'abbé Buisson, le duc de Nice, tous sont pris dans cette nostalgie monarchique très française qu'on retrouve du reste chez certains écrivains ou polémistes de droite que nous ne nommerons pas. Comme vous voulez, mais ils semblent toujours regretter, ces gens-là, que les rapports hommes-femmes ne soient plus ceux de Don Juan avec ses manantes. Oh, bah, qui alors dit un nom ? Patrick Rambaud, il y aurait qui, vous croyez ? Enfin bref, notre inconscient collectif, il semble s'être arrêté au XVIIIe siècle, juste avant la Révolution. Alors, ça a des conséquences, hein. Vous me direz si vous êtes d'accord, Patrick Rambaud, mais si on pousse jusqu'au bout l'analyse de l'inconscient collectif français, si on remonte assez loin, il est probable que notre monarchie obéisse encore à la loi salique. C'est du reste ce qu'on observe à travers les mariages si joliment chroniqués par point de vue. Les alliances des grandes familles industrielles sont conçues pour qu'un homme tienne la barre. Tout se transmet encore et toujours de père en fils. Alors, si cette hypothèse est juste, cela veut dire qu'en France, une femme ne peut pas accéder au trône de fer. Alors, une femme ne peut être élue présidente de la République. Cette permanence de la loi salique est navrante pour la féministe que je suis. Mais la bonne nouvelle pour la jésuite que je peux être aussi, c'est que Marine Le Pen, à moins qu'elle change de sexe d'ici là, ne passera pas en 2017. Mais ça n'est qu'une intuition. La seconde conséquence de vivre inconsciemment quelques années avant la Révolution, alors qu'on vit consciemment au siècle de l'accélération, c'est une tension tragique. Celle-ci est perceptible, je trouve, tout au long de votre livre. Vous l'annoncez dès la première page, les successeurs de François le Grand ne seront au mieux que des comptables. Donc notre inconscient d'un côté rêve de monarchie, de splendeur, d'espace, je dirais de lenteur. Vous remarquerez d'ailleurs, les amis, que lorsque notre inconscient rêve de monarchie, on ne se met jamais à la place des manants, hein, toujours à la place des princes. Et en même temps, on est censé gérer notre vie, gérer nos émotions, manger du charal, gérer nos abattoirs, gérer notre temps. Bref, les monarchies réelles étaient fondées sur la personne sacrée du roi, et dans notre monarchie fantasmée du XXIe siècle, c'est la gestion qui est devenu sacré. Alors notre pauvre inconscient tourne en rond, puisque le rêve de monarchie ne procure ni au prince ni à ses sujets l'intensité qu'il recherche. Au contraire, au lieu de les libérer, le fantasme monarchique nous soumet toujours davantage à une rentabilité programmée. Se tromper d'illusion collective, ça peut mener à la dépression ou au fanatisme. Votre première chronique du règne de François le Petit s'achève par les attentats de janvier, Patrick Rambaud, et vous concluez à suivre, hélas. Ou comme dirait Chuang Tzu, vouloir éviter l'inévitable, n'est-ce pas augmenter sa douleur ? Ou comme dirait Frank Herbert dans Dune, le dormeur doit se réveiller. Merci Isabelle Sorrente. Patrick Rambaud. Oui, c'est vrai, mais la monarchie existe républicaine depuis De Gaulle. Elle n'a jamais cessé. Depuis la Ve République, surtout. Oui, oui. C'est pour ça, moi, j'étais prêt. Mais pourquoi depuis De Gaulle ? Au départ, moi, j'étais furieux quand Sarkozy était. J'étais allé voir ça à Libé, je me souviens, sur un grand écran, avec ma camarade. Nous sommes redescendus, atterrés. On a marché pendant des heures dans Paris pour se. Vous avez erré. Essayer de réaliser ce qui s'est passé. Et puis le lendemain, chez Grasset, je dis à mes camarades, mais écoutez, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Et j'aurais proposé de refaire la cour de Ribaud dans le Canard enchaîné, qu'il avait fait en 1960. C'est ça, la cour de Gaulle, oui. Avec les dessins de Moisan, c'était remarquable. Alors ils m'ont dit oui, j'ai dit ah bon, vous êtes sûr ? C'est comme ça que j'ai fait le premier. J'étais pas sûr du tout de mon coup, je dis ça comme ça, mais ça m'a pas fait rire, c'est un truc qui était de 1960, puis bon. Eh ben si, ça a marché, ça a fonctionné. C'est parce que c'est vrai. C'était une bonne idée, et c'est pour ça que j'ai été obligé, forcé de continuer après. Et puis il y a un côté où ça fait du bien aussi, où il y a une forme de, peut-être de revanche du citoyen qui lit ça et qui. Ben, c'est la satire, c'est un vieux genre de chez nous, quand même, c'est un genre latin. Même, je veux dire, c'est un genre qui fait du bien. Oui, écoutez, c'est complètement, c'est universel. Quand Horace, dans les satires d'Horace, donc un siècle avant notre ère, raconte comment il rencontre un emmerdeur sur le forum. On le connaît, cet emmerdeur. C'est le type qui t'arrête en plein milieu du forum et on peut pas le décramponner. Il te suit partout. Je dis, non, je vais par là. Moi aussi, dit le mec. Il y a un portrait d'un emmerdeur que tout le monde connaît, qui est complètement moderne. Donc ça ne vieillit pas, la sartire. Est-ce que ça veut dire que politiquement, vous êtes pour une 6ème République qui serait plus parlementaire? Je suis pour rien du tout. Je suis pour qu'on me foute la paix. Il a dit que je m'en fous. J'essaye quand même de savoir si, à mon avis, ça m'intéresse. Mais mon rôle, c'est pas de changer, de voir si on veut une 6ème, une 7ème, repartir à la 4ème, j'en sais rien. Non, lui, il attend que ça se fasse, il digère et puis il écrit. Et après, je regarde ce qui se passe et je raconte. Alors, c'est généralement consternant, mais j'en suis désolé. Mais vous avez quand même un avis de citoyen, c'est ça qui m'intéresse. J'ai de moins en moins d'avis, finalement. Et surtout à notre époque où tout le monde doit avoir un avis immédiat, surtout. Moi, je préfère n'en avoir pas du tout d'avis. Comme disait Audiard, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Bah c'est voilà. Audiard, excusez-moi. Bah voilà, de plus en plus, hein. De plus en plus, chacun plusieurs d'ailleurs. Allez, le troisième sujet avec vous, Patrick Rambaud. Eh bien, il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, la crue de la Seine obligeait les Parisiens à circuler en barque. Ah oui. La crue étant centenale, Paris se prépare doucement, Paris simule la crue du siècle. Tout à l'heure, il y a même eu un exercice à Neuilly. Et là, à Neuilly, ça a été assez flippant. Assez près de la Seine, oui. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Jacouille, esponge. Oui, messieurs. Monsieur, oh, il prend avec votre penchon. J'ai des serpillères. Allez, hop, tout le monde y met. Allez, oh, mon pauvre Jacquard. Tombé mal, on est en pleine inondation. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un refoulement des coups, ça sent très fort. Mais faites hyper gaffe au saut, Jacquard, vous allez le tout renverser. Oui, vilain, vide le baquet, esponge violentement. Oui, prends cette lope. Ah, mais ça pourrait très bien être la crue à Neuilly ou à l'Elysée, au palais de l'Elysée, n'est-ce pas? Oui, c'est assez bas, c'est vrai. En 1910, c'était arrivé à Saint-Lazare, je me souviens très oui, bien. Oui, vous en souvenez, moi aussi. Je me souviens beaucoup des temps passés, moi. Alors, par exemple, le musée d'Orsay va tester dans les 15 jours à venir la mise à l'abri de ses collections. Et puis, les impressionnistes, ils vont flotter. C'est sûr. À Radio France, on a testé ce matin un boudin géant qui encerclait la maison. C'est vrai, hein, je l'ai vu. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi une maison de retraite qui va être évacuée par hélicoptère, juste pour l'exercice. Ça va, donc vous êtes rassuré, Patrick Rambaud? Je ne suis pas très inquiet. Non, parce que moi, il y a très longtemps déjà, j'avais fait un livre sur le comportement des rats d'égout. Et là, on va tous les voir ressortir, ça va être admirable. Ah oui, c'était une inquiétude aussi d'Hippolyte Girardot. Ouais, les rats, une certitude, pas une inquiétude. Une certitude. Moi, j'avais fait un livre sur le déménagement quand les rats ont quitté les halles. J'avais étudié le comportement du rat. C'est une société primitive parfaite, hein, le rat. Il y a des classes sociales, il y a tout, c'est très organisé. Ouais, ouais. C'est une monarchie aussi ou... C'est un peu une monarchie. Oui, il y a une caste. C'est un petit peu le trône de fer, là, comme vous parliez tout à l'heure. C'est un petit peu ce genre-là. Pas prendre le temps de les observer non plus si, si il y a cru. Mais de toute façon, il y a déjà des souris dans toutes les maisons de Paris. Hein. Oui, oui, bah dans le bureau de, dans notre bureau. Mais des souris. Hein, moi, j'ai des souris aussi. Je chasse. J'ai besoin de quelques tuyaux, j'ai un bon truc pour les souris. Mais laissez-les tranquilles, c'est peut-être mais solide. Mais oui. Oh, attends, quand elles te bouffent tout, ça va. Alex Vizorek. Oui, Patrick Rambaud, la tradition de fin d'émission, c'est de faire participer d'invité à un sketch. Un sketch. Et je vous l'envoie, le texte. Je vous propose. Une satire. Vous êtes Patrick Rambaud et il y a quelqu'un qui aimerait que vous écriviez sur son cas parce qu'il trouve qu'il n'est pas assez présent. Rendez-vous dans un ministère, on y va. Bonjour, Sieur Rambaud. Bonjour, monsieur. Appelez-moi Jean-Vincent. Ah, c'est vous, monsieur Blassé? Ouais, on ne me reconnaît pas toujours sous ma nouvelle perruque poudrée. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, j'aime votre plume et je souhaiterais la mettre... Non, pas ça. Non, je souhaiterais la mettre à mon service. Ah oui, oui. Pourquoi pas? J'aime déjà raconter la vie des gens que je n'aimais pas spécialement. Voilà, mais en fait, moi, je trouve que mon parcours ne fait pas assez rêver. Je ne fais pas dire. Oui, donc voilà. Donc, si vous pouviez le romancer un peu, une idylle par-ci, une prise de tête par-là... Marine Le Pen? Ah, très bien, une prise de tête avec Marine Le Pen. Ah non, je pense à l'idylle. Ah. Bonjour Jean Fins, tu es là? Ah, voilà l'idylle, Madame Cosse, bonjour. Oui, oh pardon Monsieur Rambaud, vous tombez bien. Tous les politiques ne pensent pas ça. Non mais j'aime votre plume. Vous trouvez que votre parcours ne fait pas assez rêver? Voilà, mais c'est ça, oui, tout à fait. Je vous le confirme. Moi, je dirais que son parcours est encore moins romanesque que le mien à ce moment-là. Il y a match. Alors c'est oui. J'avoue, je le sens bien, j'ai déjà le titre « Cosse toujours ». Ah oui, c'est super. Ah bah attendez, vous pourriez faire un diptyque « Cosse toujours, jamais placé ». Vous n'avez peur de rien. Hein. Ah bah, c'est même à ça qu'on nous reconnaît. Vous savez que j'ai écrit un roman que vous pourriez adapter chez Les Verts? Ah bon? La bataille, ça vous parle ? Ah, j'ai l'impression que vous vous moquez, là. Ah non, c'est pour le jour de la maison. Ouais, c'est ça. Dites-moi, je vais y aller, vous devez travailler. Non. Bah non, on est au gouvernement. Bah, justement. Non, on nous a pris au gouvernement pour... pas pour qu'on travaille, hein. Ah bon ? Pourquoi alors ? Bah, on nous a pris pour qu'on critique pas le gouvernement. Bah quoi, oui, comme c'est... on est dedans, on va pas critiquer nous-mêmes, donc voilà. Vous savez quoi ? Je pense que vous en seriez capable. Ah, c'est même à ça qu'on nous reconnaît. Merci Audiard. Et merci Rambaud, c'est de mon comédien, dites donc. Ah oui, tu parles. Ah, le sens du rythme, quand même. Oui, exactement. Tac, tac, ça t'appuie, franchement, c'est pas mal. Tiens, un jour... tous les dialogues, il faut les dire avant de les écrire. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Vous devriez écrire des livres. De vrai, je vais essayer. Viseré, qu'est-ce que vous relisez avant ? J'essaye d'entendre en écrivant. En tout cas, ah bah, le dialogue, ça se dit. Vous entendez le Jean Vince parler et le Patrick Rambaud. Et je me suis dit, vous avez entendu en télévision, et je me suis dit, voilà quelqu'un qui va avoir la saillie facile. Et bim, vous étiez juste. Ah bon, ben voilà. Et voilà. Ah, et voilà. On fait toujours un petit débrief après avec l'invité. Et un Jean-Vincent Placé, peut-être un bon personnage. Très monarchique aussi. Oui, il a maigri un petit peu, c'est dommage. Ah voilà, Patrick Rambaud sur le physique, dites-moi. Vous voyez, vous avez un ami. Là, autre chose. Oui, il y avait un côté poisson rouge, un petit côté... Il y avait plus un côté bocal. Il y a un côté bocal, oui. Le poisson rouge qui épouse la ferme du bocal. La ferme du bocal. Merci Patrick Rambaud d'avoir passé ce moment avec Merci. Nous. François Le Petit, la chronique d'un règne, c'est paru chez Grasset. On vous le recommande. Et puis, merci à cette tablée. Merci à Hippolyte Girardot, Isabelle Sorante, Guillaume Meurice, Alex Vizerek. Merci à vous d'être venu de vacances, Charline. Oh, bah écoutez, on y était tous. On se retrouve demain en compagnie de François Damiens. Et voici le mot de la fin au MEDEF qui a inspiré la loi El Khomri. La plaie de l'entreprise, c'est le salarié. Il n'est jamais content. Ça va jamais. Il pense qu'à partir le soir, il pense à son chèque à la fin du mois. Jamais content. Jamais.